pas changé. Oui, tu es toujours aussi jolie. Oui, mais peut-être je t'ennuie. Tu as peut-être mieux à faire aujourd'hui que de m'écouter. Changer, et moi je t'aime toujours autant.